Donc finalement, ma communication a changé de titre. Ce sera Les chatouilleuses mahoraises de la lutte contre l'indépendance à la départementalisation. Donc mon intervention porte sur les femmes que l'on désigne par le terme de chatouilleuses à Mayotte, l'une des quatre îles de l'archipel des Comores, située dans l'océan Indien, à l'entrée du canal du Mozambique. Mayotte est restée sous le giron de la France au moment de la décolonisation de l'ensemble en 1975. Elle est devenue un département français en mars 2011, donc tout récemment, malgré une vingtaine de résolutions de l'ONU qui demandent à la France de restituer cette île à l'État comorien. Les chatouilleuses sont un groupe de femmes qu'on peut qualifier de militantes ou d'activistes politiques qui, dans les années 1960 et 1970, mènent un double combat contre les autorités locales et les partisans de l'unité de l'archipel, d'une part, et d'autre part, contre l'indépendance et pour une départementalisation de l'île. Autour de ces chatouilleuses s'est construit un récit que j'ai qualifié de stéréotypé, qui est donné régulièrement par une de ces femmes, la deuxième du mouvement, puisque la première est morte. Elle s'appelle Zena Mérès. Donc elle donne ce récit dans plusieurs médias locaux, en langue chimaoré, en langue locale, et dans un témoignage qu'elle a accordé aux archives orales de Mayotte. Elle évoque toujours de la même façon la même scène de chatouille d'un ministre comorien, dont elle donne parfois le nom, Mohamed Dahlan, et parfois elle ne donne pas le nom. Et cette scène n'est pas avérée. Elle n'est pas établie par les historiens, en tout cas, et on ne la retrouve dans aucune archive de l'administration. Donc la lutte de ces femmes est donc présentée ces dernières années comme non violente et même comme une occasion de rire. Ce récit semble participer à la construction d'une figure emblématique de ces femmes chatouilleuses qui est rappelée à chaque manifestation politique aujourd'hui, quel qu'en soit le sujet. À l'appui de ce récit, les médias, mais aussi les hommes politiques locaux, affirme et réaffirme le rôle primordial qu'ont joué les femmes dans la séparation de Mayotte de l'ensemble comorien et dans le processus qui a abouti à la départementalisation récemment. Les femmes mahoraises sont souvent présentées comme ayant été dès le départ dans la lutte pour empêcher l'île de devenir indépendante, mais aussi comme des femmes jouissant d'une position sociale dans cette île. D'une position spéciale dans cette île. Elles sont aussi présentées comme des femmes plus libres que les autres femmes des autres îles comoriennes, qui sont la plupart du temps vues comme plus traditionnalistes. Donc les femmes des autres îles sont vues comme plus traditionnalistes et comme des femmes qui suivent d'une manière un peu plus rigoureuse les préceptes de l'islam. Ces affirmations sont problématiques. Dans la mesure où, à part ce moment précis, les années 60-70, les femmes de Mayotte, mais aussi de l'ensemble comorien, ont très rarement joué un rôle dans la sphère politique. Jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à Mayotte ou dans le reste de l'archipel, les femmes sont très peu représentées dans les institutions. Il convient donc de s'interroger sur le statut de ce récit stéréotypé, sur les chatouilleuses. S'interroger déjà, savoir qui raconte, pour qui, dans quelle langue, et ensuite analyser la vraisemblance des faits qui sont mentionnés au regard de ce que nous savons aujourd'hui de l'histoire de l'archipel. Donc d'abord, l'idée que les femmes de Mayotte seraient plus libres que celles des autres îles n'a pas réellement de fondement. Dans les quatre îles, on retrouve les mêmes pesanteurs, mais aussi les mêmes avantages que les femmes, les mêmes avantages pour les femmes dans cette société qui est à la fois musulmane et matrilinéaire. Pourtant, cette image de la mahoraise qui serait une féministe combattante court depuis les années 70 et elle est devenue un peu un poncif. C'est ainsi que récemment, dans un article qui a été publié dans le magazine Elle, le 2 septembre 2011. Le journaliste s'intéresse d'une manière, comment dire, le journaliste va en fait s'intéresser aux femmes qui viennent des trois autres îles à Mayotte pour accoucher. Tout l'article est basé sur ce fait-là, mais il va développer en quelques lignes sur les chatouilleuses. Et il dit, le titre de l'article, c'est « Mayotte, l'île aux Amazones ». Et il parle de Mayotte comme d'une utopie féministe, ce qui ferait rire tous ceux qui connaissent un peu Mayotte, une utopie féministe, qui connaissent Mayotte et le reste de l'archipel. Et donc il va décrire, il va reprendre en fait le récit de cette femme, Zeina Mérès, parce qu'il va l'interroger en fait. C'est le discours qui court dans l'île et qui est très prisé par les jeunes lors des manifestations. Mais aussi, surtout, par les métropolitains, ceux qui viennent de France, qui sont fonctionnaires sur place, ou les journalistes de passage. Le principe de ces séances a été plusieurs fois repris dans plusieurs journaux, comme je disais tout à l'heure. Donc je disais aussi que c'est Zeina Mérès qui produit ce discours-là, essentiellement. Et cette femme a des propos qui ne sont pas souvent mesurés. C'est la seule parmi les femmes qui sont encore vivantes de l'époque qui parle des chatouilleuses. Toutes les autres n'en parlent jamais. J'ai écouté d'autres témoignages aux archives de Mayotte, et les autres ne parlent pas de ces chatouilles, de ces séances de chatouilles. Elle explique ainsi dans le récit qu'elle a donné aux archives en 2009, les ministres, je cite, « Les ministres des Comores venaient ici à Mayotte pour nous dire de laisser notre combat, pour nous dire que nous étions unis, nous avions la même religion, nous avions fait des enfants ensemble. Qu'allions-nous faire pour les empêcher de venir à Mayotte? Si nous les battions, on nous enfermerait. Chatouillons-les, car il ne restera pas de traces. » Le récit semble crédible. Pourtant, il donne à croire que plusieurs ministres des Comores, dans cette période d'autonomie interne, ont été chatouillés à Mayotte. Alors, dans un autre magazine local, quelques années auparavant, elle avait donné le nom donc de Mohamed Dahlan, qui est un des poids lourds du gouvernement depuis le début de l'autonomie interne jusqu'en 1970, qui deviendra ensuite député à l'Assemblée nationale en France. Franchement, ça paraît peu crédible. Dans la mesure où c'est un ministre important, on aurait eu des traces dans les archives. Et les archives, je les ai parcourues en faisant ma thèse de long en large. Il y a des témoignages sur pratiquement des choses vraiment pas très très importantes. Et un ministre qui aurait été chatouillé, qui aurait été tout seul en train de se promener dans Pamandzi, donc la en petite terre, et qui aurait été attrapé par les femmes et chatouillé, ça paraît peu crédible. Il n'y a aucune mention donc de chatouille dans les rapports du Haut Commissariat. Il n'y a pas non plus de mention de chatouille dans les fiches des renseignements généraux. Mais aujourd'hui, tout le monde est persuadé que des ministres ont été chatouillés. Alors, il est probable que ce châtiment ait été réservé à certains Mahorais qui étaient partisans de l'unité de l'archipel et pour l'indépendance dans certains villages, dans certaines régions. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous n'avons pas de traces. Donc, l'effet de chatouille ne sont pas encore bien établis par les historiens. Et nous n'avons seulement que le récit de Zeina Mérès, un récit qui reste encore imprécis et controversé. En réalité, depuis 1966, année où le président du conseil de gouvernement arrive dans l'île et il est très mal accueilli par les femmes, par des manifestations de femmes, à ce moment-là, il décide de ne plus jamais remettre ses pieds dans l'île et il va tenir parole, il ne va plus revenir dans l'île. Eh bien, il n'y a pratiquement plus de ministres qui se rendent dans cette île, à part pendant une petite période d'accalmie, de 1970 à 1972. Donc la violence des femmes était plutôt dirigée contre des Mahorais, qui étaient partisans de l'unité et de l'indépendance des Comores, et cette violence était radicale. Il y a eu des menaces, des lapidations, des insultes, des pressions diverses sur les familles de ceux qui étaient pour l'unité de l'archipel et son indépendance. Et là, on a des faits et des témoignages. Si on reprend un peu la chronologie de ces événements, on voit bien que la plupart du temps, les femmes ne sont pas là en train de chatouiller des hommes, mais elles sont déterminées, elles mènent un véritable combat pour défendre leurs idées. Et donc on voit par exemple le 21 novembre 1966, un groupe de femmes conduite par Zenam Déré, donc la leader, arrive dans le bureau de poste de Lille, le seul bureau de poste, décroche le portrait du président Said Mohamed Cheikh, et elles sont suffisamment menaçantes pour qu'aucun fonctionnaire présent ne les en empêche. Le 4 février 1967, elles se réunissent avec des hommes politiques locaux devant le bâtiment de l'ORTF, donc la radio locale, dans le but d'empêcher Manu Militari le transfert du matériel radio de Pamandzi vers l'autre île, la Grande Comore, à Moroni. Il y a une confrontation avec les gendarmes et il n'y a pas de chatouille, il y a une vraie confrontation et certaines d'entre elles, comme d'autres hommes politiques, sont arrêtées et jugées et la leader, Zenam Déré, va faire de la prison. Le 14 octobre 1969, elles sont réunies devant la jetée de Mamoudzou pour essayer d'empêcher une délégation qui veut se rendre à Moroni, donc la capitale ou le chef-lieu à l'époque, pour rendre hommage au président. Il y a des bousculades et la garde comorienne lance des grenades et une femme meurt à ce moment-là. On ne sait pas si c'est à cause des grenades, des éclats de grenades, ou à cause d'une balle qui aurait été tirée par un gendarme français, puisque la garde comorienne n'a pas de pistolet ni de fusil. Après la consultation de décembre 1974, dans laquelle on demandait à tous les Comoriens des quatre îles s'ils voulaient l'indépendance ou pas, on s'est rendu compte que près de 94% des Comoriens demandaient l'indépendance, mais qu'à Mayotte, près de 63% demandaient à rester français. À ce moment-là, il y a eu de véritables agressions contre tous les Mahorais qui avaient voté pour l'indépendance avec l'ensemble comorien. Et là, dans les villages, ceux qui étaient pour l'unité et l'indépendance ont été obligés de payer des tributs, des vaches, des sacs de riz, pour pouvoir rester dans le village. Il y avait véritablement des agressions. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a eu aussi des chatouilles. Alors, la chatouille, on peut penser que c'est bon, un jeu, de la rigolade, etc. C'est aussi un peu, ça fait aussi référence au charivari qu'on retrouve aussi dans ces îles. Un homme politique qui est chatouillé en public, c'est l'humiliation suprême. Je vais essayer de résumer la deuxième partie pour aller un peu plus vite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces femmes n'avaient pas au départ pour objectif de se battre contre l'unité ou contre l'indépendance de l'ensemble comorien. Au départ, il y a le déplacement du chef-lieu, qui était à Pamandzi, en petite terre, vers la grande Comore, Moroni. Elles subissent les premières ce déplacement. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre elles sont des petites commerçantes dans Pamandzi. Et le déplacement du chef-lieu va faire en sorte qu'elles vont perdre de la clientèle, mais aussi elles vont perdre leurs maris qui vont être déplacés donc du chef-lieu vers une autre île. Et puis ces maris vont se marier dans les autres îles. Et donc elles se battent d'abord pour subsister économiquement. Et ce sont les hommes qui vont les amener vers leurs propres idées, vers leur propre combat. C'est-à-dire que dès qu'on a décidé ce déplacement, en 1958, les hommes font un congrès dans lequel aucune femme n'est invitée. On respecte la tradition, les femmes ne viennent pas en public parler, même à Mayotte. Et donc, il n'y a que des hommes qui décident à ce moment-là qu'ils allaient lutter contre l'indépendance qui paraît inéluctable. et qu'ils allaient lutter contre l'unité des Comores. Donc ils ont des arguments pour dire que bon, les Maorés sont différents des autres Comoriens, etc. Et les femmes ne sont pas dans ce congrès. C'est en 1966 que les femmes organisent matériellement le congrès de 1966. Et cette fois, ces idées de « il faut rester français pour être libre, il ne faut pas qu'on soit unis aux autres Comoriens », ces idées arrivent dans la sphère des militantes à ce moment-là. Et en 1966 est créé le parti, le mouvement populaire maoré, et stratégiquement, celui qui est le leader, le véritable leader du mouvement, Marcel Henry, qui est un créole qui est originaire de Sainte-Marie à Madagascar, va placer Zenam Déré à la tête du parti. Mais ce n'est pas véritablement elle qui dirige. Quand il y a des décisions à prendre, il convoque les femmes chez lui et il leur dit comment faire. Mais stratégiquement, ça marche puisqu'elle est la présidente et elle apparaît comme celle qui dirige le mouvement, mais ce n'est pas elle réellement qui dirige le mouvement. Donc les femmes, à partir de 1966, vont investir véritablement le parti. Elles ne seront pas dans les instances dirigeantes, à part celle qui est la présidente. Et elles mettent au second plan leurs revendications qui étaient plutôt de type socio-économique. Dans le récit emblématique sur les chatouilleuses, on ne fait pas en fait apparaître, on ne caractérise pas réellement ces femmes à ce moment-là, ou alors on donne une image qui est erronée. C'est-à-dire que c'est véritablement des femmes qui sont pragmatiques. Elles craignent en fait la domination des deux îles les plus grandes sur l'île de Mayotte. Comme dans l'autre île, la plus petite, Moali, on craint aussi que les deux grandes ne viennent à dominer les deux petites après l'indépendance. En réalité, elles ne sont pas différentes des autres femmes de l'archipel. Elles sont pieuses, respectueuses des traditions comoriennes, comme on le voit encore aujourd'hui dans les rues de Mamoudzou ou de Pamandzi. Elles respectent la religion musulmane. La présidente du mouvement populaire maoré, Zenam Déré, était une fundi, c'est-à-dire une maîtresse coranique. Les manifestations étaient accompagnées de prières. Et encore aujourd'hui, quand on veut faire appel aux femmes dans les manifestations, on fait aussi les prières pour qu'elles soient là. C'est ce qui s'est passé récemment pendant les 45 jours de grève à Mayotte, où un leader de la CGT disait « nous faisons des prières pour que les femmes soient là ». Nous avons vu en fait que ces femmes ne pouvaient manifester librement. Elles pouvaient manifester plus librement que les hommes parce qu'elles n'étaient pas dans l'administration, elles ne subissaient pas de pression. Alors que les hommes, dès que ils se mettaient à manifester ou à dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait, eh ben, ils étaient renvoyés de l'administration. Et donc, elles étaient un peu plus libres. Toutes n'avaient jamais connu l'école occidentale. L'école était très peu développée dans l'archipel et encore moins dans les deux plus petites îles. L'école était réservée aux enfants des notables ou aux créoles. On peut donc voir une différence dans ce mouvement contre l'indépendance. Tous les hommes ont suivi l'école, pratiquement, que ce soit les créoles, la famille Henry ou Younous Abamana, Zouber Adinan, etc. Et toutes les femmes n'ont pas été à l'école. Toutes les autres combattantes étaient des paysannes qui cultivaient leurs champs et vendaient les produits donc dans les marchés, surtout en petites terres. Elles n'avaient jamais pu intégrer l'administration. Et malgré le rôle qu'elles ont joué dans le maintien de Mayotte comme territoire français et comme département, une seule d'entre elles a pu avoir une fonction élective, Zena Mérès, qui avait été élue conseillère générale de Pamandzi. Mais sinon, toutes les autres n'ont jamais exercé une fonction élective. Et on le retrouve encore aujourd'hui, puisque dans le conseil général de Mayotte aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme, Sarah Moussoun, et qu'il y avait aussi deux femmes dans les dernières élections, qu'elles n'ont pas été élues. Sur le plan financier, c'est la même chose. La plupart de ces femmes qui ont lutté pour la départementalisation de l'île sont restées des petites marchandes. La plupart d'entre elles vivent aujourd'hui dans la précarité, alors que Partout à Mayotte, on exalte leurs actions. À l'inverse, tous les leaders hommes du mouvement populaire mahorais sont aujourd'hui fortunés, avec à leur actif plusieurs entreprises, des terres et des biens à gérer. Pire encore, je m'arrête. Pire encore, un bon nombre de ces femmes étaient originaires des autres îles des Comores et n'avaient jamais été naturalisées. Et ce n'est que récemment, au moment de la mise aux normes de l'état civil, que les grands leaders masculins sont intervenus pour que enfin elles deviennent françaises. Je m'arrête là. Okay. Merci.